Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à reprendre notre récit alors que nous étions rendus à parler du mouvement du 4 mai 1919. On se rappelle que la semaine dernière, nous avions parlé de la fin de la Première Guerre mondiale et de la proclamation du traité de Versailles qui avait entraîné la marche de protestation de 3000 étudiants dans la ville de Pékin, événement qu'on nomme parfois le petit 4 mai. Pour ce qui est de bien comprendre toute l'ampleur de ce qu'on appelle le grand 4 mai, c'est-à-dire le vaste mouvement de transformation culturelle qu'on situe grosso modo entre 1915 et 1925, on doit d'abord prendre le temps de se replonger dans le contexte de l'émergence d'une nouvelle forme d'élite intellectuelle en Chine depuis au moins la fin du 19e siècle. Or, parmi les caractéristiques principales de cette nouvelle élite intellectuelle, il y a le fait que celle-ci ne cessa de gagner en importance tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, et ce, depuis le début du 20e siècle. Au cœur de cette dynamique, l'abolition du système des examens impériaux en 1905 a contribué à faire éclater l'ancienne relation de pouvoir entre le politique et les intellectuels, contribuant par le fait même à redéfinir la place des intellectuels et du rôle de leurs idées au sein de la société. Depuis le tournant du 20e siècle, les intellectuels chinois avaient non seulement une plus grande liberté individuelle, mais ils se sentaient aussi particulièrement investis d'une forme de responsabilité rédemptrice, qui était au service d'une nation qui commençait à peine à prendre conscience d'elle-même et de ses composantes. Cela signifie que le salut de la nation passait maintenant aussi par les intellectuels et surtout qu'ils avaient dorénavant un rôle de premier plan à jouer dans la création d'un nouveau pacte social qui cherchait à se redéfinir à partir d'une définition moderne de la notion d'éthique. On retrouve des éléments de cette réflexion dans de nombreux textes d'époque, dont par exemple un texte anonyme publié en 1901 dans un journal qui s'appelait le Kuomintang, soit le journal des citoyens, proposant justement une réflexion sur la définition du concept de citoyenneté qu'on cherchait alors à mettre en place. Le texte proposait alors une réflexion sur la signification des droits politiques, Quanli, de la responsabilité qui venait avec, Zhen, et de la liberté qui en découlait, Ziyou. Et ce serait de la relation entre ces trois concepts, Quanli, Zhen, Ziyou, au sein d'un groupe qui prenait justement conscience de lui-même, Minzu, Guotia, que on pouvait voir prendre corps la notion de citoyen, Guomin. Les intellectuels de l'époque cherchaient à définir les concepts empruntés aux théories politiques occidentales, à commencer par le concept d'éthique que Liu Shipei situait d'abord à la frontière entre les droits et les devoirs. Situé à mi-chemin entre la liberté et la responsabilité, l'éthique se présentait aux intellectuels chinois comme un concept qui serait né de la relation entre les individus dans une société donnée. La réflexion sur le concept d'éthique comme une philosophie de l'action du citoyen a permis aux intellectuels de l'époque de redéfinir la relation entre l'individu et le groupe, ou encore entre l'espace privé et l'espace public. Alors que dans la société chinoise traditionnelle, l'opposition était tranchée entre le privé qui était perçu négativement et le public qui était perçu positivement, les nouveaux intellectuels tentaient de faire ressortir l'intrication de l'un et de l'autre. C'est d'ailleurs à peu près ainsi que le formulait Liang Qichao, qui encourageait le développement de l'éducation populaire afin de contribuer à faire prendre conscience du fait que les affaires d'un individu sont toujours liées aux affaires du groupe et vice-versa. De telles idées visaient surtout à faire comprendre au monde que c'est seulement de cette interrelation continue entre l'individu et le groupe que pouvait prendre corps une conscience des droits civiques reposant sur l'équilibre entre la responsabilisation des individus et l'expression de leur liberté. C'est ainsi que les nouveaux intellectuels en sont venus à redéfinir leur rôle et leur responsabilité en se voyant eux-mêmes investis d'une responsabilité sociale au cœur de cette société changeante pleine de bouleversements. Quand on observe les premières années de la République de Chine, fondée en 1912, malgré les efforts de Yuan Shikai, qui visait à éteindre la ferveur républicaine, on constate que la vague de fond qui portait les intellectuels à l'avant-plan de la société a pris de l'ampleur dans les années 1910. L'état d'esprit qui se généralisait alors de plus en plus parmi les intellectuels de tous les horizons était que quelque chose n'allait plus avec la Chine. Face aux échecs répétés des tentatives de modernisation à la fin du 19e siècle, puis avec l'instauration de la République qui se voulait pour plusieurs une promesse de renouveau, mais qui fut confrontée à de nombreux accrochages et à de nombreux obstacles, on assista à ce que plusieurs ont vu comme un échec du rêve républicain. Autant le projet de restauration impériale de Yuan Shikai, l'impérialisme japonais avec les 21 demandes, l'indifférence européenne pendant la Première Guerre ainsi que l'émergence des seigneurs de la guerre, tous ces facteurs ont contribué à augmenter le sentiment d'urgence en Chine face à un constat dramatique, à l'effet que quelque chose n'allait pas dans l'Empire du Milieu et que la Chine se devait d'être sauvée d'elle-même. Dans ce contexte tumultueux, un nombre considérable d'intellectuels cherchaient une façon d'adapter et d'intégrer la Chine au monde moderne en s'accrochant aux bases de l'internationalisation sur lesquelles ce monde reposait. Un constat se généralisait de plus en plus, alors que pour plusieurs, le confucianisme était maintenant vu comme un obstacle à la modernisation du pays, parce qu'il s'agissait d'un système de pensée archaïque reposant sur une société organisée hiérarchiquement, suivant une structure patriarcale rigide, imposant un carcan social qui s'appuyait sur une morale qui était à la fois punitive et hypocrite. C'est dans ce contexte que voit le jour, en 1915, la revue La Jeunesse, dont le titre devint, en septembre 1916, La Nouvelle Jeunesse. À noter que la revue avait aussi un titre chinois, Tianyan Zhaji, puis Xin Tianyan, mais aussi un titre français pour souligner son internationalisme. Fondée par Chen Tuxiu, alors qu'il était alors doyen de la faculté des lettres de l'Université de Pékin, la revue devint rapidement le symbole par excellence de ce vaste mouvement de remise en question culturelle qui secouait alors la Chine dans les milieux intellectuels. La revue fut un lieu de convergence pour toutes les nouvelles idées qui circulaient alors en Chine depuis le tournant du 20e siècle. Gardant un œil ouvert sur le monde, les lecteurs s'intéressaient au libéralisme, à la science et au pragmatisme. Ils découvraient dans ces pages l'anarchisme, le socialisme, les multiples visages de la démocratie et de l'éthique, et tout cela témoignait des relations complexes entre le pouvoir politique, les individus et la communauté à laquelle ils appartenaient. Proposant de faire une rupture brutale avec le passé, La revue faisait l'exaltation de la jeunesse et de l'esprit scientifique, faisant la promotion d'un idéalisme romantique, de la violence, de l'individualisme et de l'internationalisme, tout en s'attaquant aux vieilles coutumes de la Chine comme les mariages arrangés et l'éducation traditionnelle. On voit très bien le ton sur lequel se fondait la revue, clairement énoncé dans l'éditorial de septembre 1915, intitulé « Appel à la jeunesse », un éditorial signé par Chen Tuxiu. La jeunesse est comme le printemps précoce, comme le soleil levant, comme l'herbe et les arbres bourgeonnants, comme une lame fraîchement aiguisée. C'est la période la plus précieuse de la vie. La fonction de la jeunesse dans la société est la même que celle d'une cellule neuve et vitale dans le corps humain. Au cours du métabolisme, ce qui est vieux et pourri est sans cesse éliminé pour être remplacé par ce qui est nouveau et vivant. Selon ce critère, la société chinoise est-elle en train de prospérer ou de périr? Il m'en coûte de répondre. Tout ce qui est vieux et pourri, je l'abandonne à la sélection naturelle. Je ne veux pas perdre mon temps à de vaines polémiques à ce sujet dans l'espoir d'une renaissance ou d'une restauration. Je me contente de pleurer et de présenter mes excuses à la jeunesse en pleine vitalité, en espérant qu'elle prenne conscience de soi et s'engage dans la lutte. Qu'est-ce que la conscience de soi? C'est la conscience de la valeur et de la responsabilité de sa jeune vie et de sa vitalité. Et le texte continue ainsi longuement son analogie entre le métabolisme du corps humain, le corps social et la civilisation de la Chine, par un souci de l'exaltation de la jeunesse comme fondement d'une véritable révolution à venir. Puis, Chen Tuxiu termine son texte avec 6 grandes recommandations qui vont comme suit. Soyez indépendant et non servile. Soyez progressiste et non conservateur. Soyez agressif et ne vous retirez pas du monde. Soyez cosmopolite et non isolationniste. Soyez utilitaire et non formaliste. Soyez scientifique et non imaginatif. Puis, lançant l'injonction finale, « Jeunesse, lève-toi et remplis ta mission. » Voilà donc certaines des bases fondatrices de l'état d'esprit initial du mouvement de renouveau culturel que nous appelons le Grand 4 mai. Mouvement au cours duquel la revue « La Nouvelle Jeunesse » y joua un rôle de premier plan. Au cœur de ce mouvement de renouveau culturel, il est important de souligner que l'Université de Pékin y jouait aussi un rôle prépondérant, notamment grâce à son président, Tsai Yuanpei, qui rassembla autour de lui un nombre important d'intellectuels qui partageaient une vision relativement similaire à la sienne, partagée entre le libéralisme, le progressisme et l'idéal de la révolution. En plus de Chen Tuxiu, dont nous venons tout juste de parler, qui fut doyen de la faculté des lettres, notons parmi ceux qui devinrent des personnages clés de la révolution à venir, Li Tachao, qui était alors bibliothécaire, ainsi que son assistant, un jeune intellectuel du nom de Mao Zedong. Le grand mouvement du 4 mai a aussi été le théâtre d'une importante révolution littéraire, alors que c'est au cœur de cette période turbulente que l'on assista à la naissance du roman moderne et à l'émergence d'une littérature nationale moderne. Avant le grand 4 mai, la littérature chinoise était davantage aristocratique, élitiste, axé sur la mise en valeur des classiques et de la philologie, érudite, mettant en valeur les ermites et s'appuyant sur les thèmes de la nature comme la montagne, les cours d'eau et la forêt pour situer l'intégrale de leurs intrigues. reflétant plutôt la révolution qui avait cours dans les mentalités depuis le début du 20e siècle, la littérature chinoise moderne devint une littérature nationale et accessible à tous, axée davantage sur le réalisme et les observations quotidiennes de la société et mettant à l'avant-plan le personnage du citoyen engagé. En 1917, Hu Shi publia un texte intitulé « Propositions pour une réforme de la littérature », dans lequel il suggérait de mettre à l'avant-plan l'importance de la subjectivité et les impressions du sujet narrateur, par opposition aux modèles rigides et aux formes classiques anciennes. Hu Shi proposa aussi d'écrire la littérature en utilisant le baihua, c'est-à-dire la langue vernaculaire, qui était beaucoup plus proche de la langue du peuple et de ses préoccupations, contrairement à la langue classique qui était comprise seulement par une élite d'initiés. C'est d'ailleurs à l'auteur Lu Xun que revient le titre de « Père du roman moderne », puisqu'il publia en 1918 le premier roman moderne écrit en langue vernaculaire, le Baihua. Le texte de Lu Xun est intitulé « Le journal d'un fou » et c'est un texte qui s'inspirait du roman du même titre publié par Nicolas Gogol. Le journal d'un fou de Lu Xun présentait la Chine ancienne comme une civilisation de cannibales. Parmi les autres textes classiques de Lu Xun, qui datent de l'époque du Grand 4 mai, on retrouve « La véritable histoire de A.Q. », publiée en décembre 1921, dans laquelle l'auteur cherchait notamment à montrer l'incapacité que ses contemporains avaient de voir la réalité en face, et surtout la manière avec laquelle ils aimaient se tromper mutuellement avec des mots. Nous avons parlé la semaine dernière de la fragilité de la jeune République de Chine en parlant de la nouveauté du phénomène. Et on voit cette idée parfaitement illustrée dans le récit de Lu Xun, alors qu'au chapitre 8 de l'histoire de A.Q., celui qu'on appelait le faux démon étranger, Tia Yang Guizi, revint de la ville en portant sur lui une insigne du Parti de la Liberté. Alors que le Parti de la Liberté se dit « Ziyotang » en chinois, les habitants du village de Weichuang, dans lequel l'histoire se déroulait, disaient qu'il s'agissait du « Shiyotang » parce que la sonorité était proche, « Ziyotang, Shiyotang », ce qui signifie pourtant pour le Shiyotang le Parti de l'huile de kaki. La véritable histoire de A.Q. est un récit qui met en scène de manière remarquable une mécanique de la victime émissaire, alors que, selon les observations faites par Lu Xun au sujet de ses contemporains, la révolution de 1911 n'aurait rien véritablement changé, et on aurait assisté à un simple changement de garde alors que de nouveaux escrocs auraient simplement remplacé les anciens en s'établissant au pouvoir à leur place. Lu Xun était pamphlétaire et il avait l'esprit indépendant, témoignant d'un esprit se voulant à la fois romantique et scientifique, misant sur le symbolisme littéraire et la révélation narrative pour arriver à ses fins. Et la pensée de Lu Xun reflète parfaitement l'état d'esprit de cette génération d'intellectuels révolutionnaires. Le mouvement de réforme littéraire auquel il appartient s'inscrit dans une période de radicalisation de l'idéal révolutionnaire qui a été accentuée par le sentiment de trahison vécu à Versailles, ce que nous avons vu comme l'élan du petit 4 mai. Or, l'impact de cette révolution littéraire est certes très important pour comprendre la Chine du 20e siècle. Mais pour l'instant, même en utilisant la langue vernaculaire, qui était plus proche du peuple, Cette petite révolution de l'écrit se faisait encore dans un cercle relativement restreint d'intellectuels. Les impacts du mouvement du 4 mai sur l'histoire de la Chine sont considérables, non seulement par l'utilisation de slogans comme « Monsieur Science » et « Monsieur Démocratie » qu'on voulait alors mettre en valeur. Mais il faudra tout de même attendre encore quelques années avant de voir cet élan révolutionnaire atteindre toutes les couches de la société et y provoquer un changement considérable. Nous allons revenir sur la conclusion de ce point la semaine prochaine et nous y verrons aussi l'émergence de nouvelles formations politiques issues de cette période de bouleversement profond, à savoir le Parti communiste chinois qui a été fondé en 1921. Mais pour terminer l'émission d'aujourd'hui, on revient à la musique et au thème de la créativité que je voulais mettre en valeur. Parlant de créativité, on va écouter ensemble à nouveau cette semaine un des artistes de Pékin qui exprime le mieux cette recherche d'un équilibre des sonorités musicales entre les voix discordantes et les harmonies, nous faisant alterner entre les deux côtés du prisme de la joie. Autant la joie qui est sombre que celle qui est plus lumineuse. Parce que l'expression de la créativité vient parfois nous déstabiliser dans le confort de nos habitudes. Voici une pièce d'un artiste que nous avons déjà entendu il n'y a pas si longtemps de cela sur nos ondes. Voici Zalivadi avec la pièce « Flutter ». Mon nom est Carl Derry, je vous dis à la semaine prochaine. Thank you. Thank you.